Ma poule est partie au Brésil et puis elle m'a laissé tout seul. Elle m'a laissé là comme un con. On l'est dans un coup. Alors, eh ben alors.